m'attend quelque part où me conduit le hasard. Et sache que je me bats pour être auprès de toi. Un jour je te verrai dans un port ou sur un quai de gare. Je resterai tard, je t'attendrai là. Tu seras l'unique, toi et moi tout sera juste magie. Tant de façons d'être amoureux, tu n'auras qu'à me regarder. J'ai attendu toutes ces années, je suis prête à te rencontrer. Promets-moi de rester jusqu'à ce que la nuit soit tombée. Allons, j'ai contre moi douceur. Promets-moi que tu ne te lasseras jamais, que je n'aurai rien à pardonner. Ton cœur m'appartiendra, mon corps s'animera pour toi. Tu seras l'unique, toi et moi tout sera juste magie. Tant de façons d'être amoureux, tu n'auras qu'à me regarder. Je suis prête à te rencontrer. Season.